Taomba. Nous allons prier. Mutakatifu. Saint. Mutakatifu. Saint. Bwana wetu wa majesi. Éternel des armées. Yesu Kristo. Jésus Christ. Asubuhi ya leo jina lako lisifiwe. Ce matin que ton nom soit loué. Mutakatifu. Saint. Mutakatifu. Saint. Wewe uliyeumba mbingu na dunia. Toi qui as créé les cieux et la terre. Upokee sifa ya maro yetu asubuhi ya leo. Ce matin puisses-tu recevoir la louange de nos cœurs. Tunakuabudu. Nous t'adorons. Tunakuimbia. Nous t'avons loué. Tunaamini kusema unapokea mimbo yetu. Nous croyons que tu as agréé nos cantiques. Juu hatuna mwingine ule tunaweza kuimbia maisha yetu. Car nous n'avons personne en faveur de qui nous pouvons chanter dans nos vies. Peke yako unastahili. Toi seul tu es digne. Asante kwa kutuchunga masiku yote hii. Merci de nous avoir gardés pendant tous ces jours. Na kutufikisha tena hapa. En nous faisant arriver encore ici. Kama tuko hapo leo. Si nous sommes là aujourd'hui. Si kwa nguvu yetu. Ce n'est pas par notre force. Ni kwa neema tu yako. C'est par ta grâce tout simplement. Ufalme asante. Merci au roi. Juu bengine walikuwa wagonjwa katikati yetu. Car il y a de ceux-là qui étaient malades au milieu de nous. Ni wewe Mungu ulibatunza. Et c'est toi Dieu qui les a guéris. Tunaamini kusema. Nous croyons que. Na leo uko natunza. Même aujourd'hui tu guéris. Gusa yote mgonjwa. Touche celui qui est malade. Aonje matunzo yako. Il expérimente ta guérison. Mujina lako Yesu Kristo. En ton nom Jésus Christ. Shuka tena mali hapa. Descends encore ici. Ubariki neno tutasoma. La parole que nous allons lire, et que ça puisse avoir la force de changer nos vies. Descends au notre roi, celui qui est venu malade, qui rentre déjà guéri, qui soit venu faible, qui rentre déjà fortifié par toi. Nous n'avons autre refuge que toi. Ubariki kila nafsi inafika hapa. Béni toute âme qui est venue ici. Bariki watumishi yako mwenye hekalu. Béni tes serviteurs dans cette église. Bariki kila wote uko na kutumikia mwenye hekalu. Béni tous celui qui te sert dans cette bariki église. Bariki bandugu na badada wenye kutufuata mbali. Béni les frères et sœurs qui nous suivent loin. Bariki beko ubariki. En tout lieu où tu te trouves, puisses-tu le bénir. Ule anajikuta yuko mpresence yako abarikiwe. Tout celui qui se retrouve en ta présence, vile uko na ungama na bote hii asubuhi ya leo. Si tu dois te réunir avec tout le monde. Kuungama mujina lako. Tout cela qui se réunit dans ton nom. Bien aussi, tunabariki watakatifu wako ulimwengu. Nous bénissons tous serviteurs dans le monde entier. Ubariki watumishi yako bengi kutembea juu habari njema. Bénis tes serviteurs qui sont en voyage missionnaire. Utubariki muyote. Bénis-nous en tout. Tunaomba na imani. Car nous te le demandons avec foi. Dans le nom de notre Sauveur. Et Seigneur. Amen. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu abariki banduku bote. Et que Dieu bénisse tous les frères. Na badada. Et les sœurs. Benye kutufuata kunjia ya internet. Qui nous suivent par internet. Pali pote muko, Mungu embariki sana. En tout lieu vous vous retrouvez, que Dieu vous bénisse abondamment. Tuko na furaha wote. Sommes-nous dans la joie? Tuko na furaha. Est-ce que nous sommes dans la joie? Mungu embariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ikiwa mapenzi yake. Si c'est sa volonté. Naweza kusimamisha mahubiri yangu leo. Je peux arrêter aujourd'hui ma prédication. Na kisha mkusanyiko niko na safiri. Et après cette réunion, je vais voyager. Pasha kutambuka kule ngambo. Je dois aller de l'autre côté. Zambia. Traverser vers la Zambie. Kisha nitarudia. Et je reviendrai. Juu juma tunaanza. Car la semaine prochaine. Takuwa nafanya kazi ya Mungu pale Kamasaka Lubumbashi. Je vais servir Dieu à Kamasaka à Lubumbashi. Mutabakia na salama ya Bwana. Vous allez rester dans la paix du Seigneur. Yeyote yule alinikumbuka maombi yake Mungu ambariki sana. Yeyote yule alijitoa juu ya kusikia neno ya Mungu, Mungu ambariki sana. Yeyote alikuwa na nia nzuri juu yangu, Mungu ambariki sana. Utabakia na salama ya Bwana. Tuachane kumwili. Tuachane mumwili. Lakini mukiro tukumbukane. Soyons toujours de cœur. Mungu imbariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tutasimama juu ya usomi wa neno la Mungu. Pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 19. Matayo sura 19. Verset 7. Mstari ya 7. Pourquoi donc dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Kwanini basi Musa aliandika kwamba anaweza kuandikia mwanamke barua ya kuvunja ndoa na kumfukuza. Il a répondu, akawajibu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ndio mioyo yenu migumu ndio pale Musa alimruhusu mpate kufukuza mabibi yenu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Kumwanzo haikuwaka hivi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ule kumwanzo haikuwaka hivi. Mungu abariki usomi wa neno lake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Na tukana jikankamisha na hii neno. Nous nous exhortons avec cette na parole. Nasema qui dit, it wasn't so from the beginning. Haikuwaka hivi kule kumwanzo. From the beginning it wasn't so. Kule kumwanzo haikuwake hivi. Amen. Amen. Namna ya kuabudu. La façon d'adorer. Vile bantu beko na abudu leo. La manière dont les gens adorent aujourd'hui. Binachana. C'est différent. Na vile bali muabudu kumwanzo. La manière dont on l'a adoré là au commencement. Mungu alifurahiwa sana. Dieu s'était réjoui tellement. Ile namna ya kumwabudu. La manière de l'adorer. Vile alifundisha kwa watoto yake. Tel qu'il avait enseigné à ses enfants. Mungu anakuwaka na namna yake ya kumwabudu. À sa façon d'adorer. Uwezi kuabudu Mungu wa milele sa vile uko naabudu sanamu. Tu ne peux pas adorer le Dieu éternel comme si Mungu anapenda. Dieu voudrait kumwabudu. Puisse l'adorer katika roho, en esprit na kweli. Et en vérité. Amen. Amen. Ni wakati, c'est en ce moment-ci. Bintu binaribika. Les choses sont vraiment perverties. Imani banayaribisha. La foi a été détruite. Bintu vyote vya kiro binaribika. Ce qui est spirituel a été dérangé. Na hapa tuko wakati ya mwisho. Aujourd'hui nous sommes au temps de la fin. Yafai turudie. Nous devons retourner. Kule mambo ilianzia. Là où les choses ont commencé. Uko na gari yako. Tu as ta voiture. Kisha gari yako. Et après quoi? Wakati uliuza kumwanzo. Quand tu l'avais payé au début là. Ilikuwa na kubeba mzuri sana. Transporté sans problème. Inakupeleka huku na huku. Iko natembea mzuri sana. Correctement sans problème. Mwingi ya masiku, mwingi ya miaka. Unaona ile gari ilikuwa natembea mzuri, uko nasikia na fieri mzuri sana. Lakini unakuwa kuona. Mais tu constates. Ah, kama una démarrer. Dès que tu démarres ta voiture. Amen. Amen. Unaona smoke mingi sana. Il y a beaucoup de fumée derrière. Iko na ria mbaya sana. Le brumissement du moteur n'est pas bon. Amen. Amen. Utasema, tu diras, binakuwa je, tu motoka yangu haikuwaka hivi, haikuwa natembea hivi, nikutembea kiloko, après une distance, inapata pane, utembea kiloko, inapata pane, utajiuliza, na hautaendelesha vile, kama unaachilia, kosa moya kuile gari, hata ni Honda yako, hata ni motoka yako, kama unakuwa problemu ya kintu kimoya kisha unaachilia ile problemu moya itafanya na bingine bilikuwa bizuri binaribika hako tena namna moya na maisha ya kiro safari ya kiro wakati unaona kintu kimoya kiendeke maisha yako simamia pale tengeneza ile mambo jo wende mbele tu kama unaachilia kama unasula ile moya itazalana na pale bitakuwa mingi na pale problemu itakukomea itakukuia nguvu juu ya kurepare maisha yako ni kwa maana asubuhi ya leo yafai tuangalie kwanza imani yetu tunatembea je tunakawia muimani wandugu na wadada tunatembea sana tunavaruda miaka mingi tangu tuliamini ujumbe ya wakati ya mwisho message du temps de la fin. Sasa, maintenant, inawezekana, saa vile tunatembea sana, tunasahau na kifukuzio yenyewe ya imani yetu. L'objectif de notre foi. Amen. Kumbe tukumbushane kwa Yesu. Alors ce matin nous devons nous rappeler par la grâce de Dieu. Turudie kumwanzo. Au commencement. Mungu alianza je. Mungu alifanya je. Alianza je na wewe Mungu. Ataisha je na wewe Mungu. Kumwanzo kulikuwa neno. Mungu alianza na neno. Ataisha na neno. Il va terminer avec la parole. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Verset 1. Mstari yake ya kwanza. Au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa kaneno. Et la parole na neno était avec Dieu. Ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole na neno était Dieu. Ilikuwa Mungu. Au commencement mwanzo était la parole. Ilikuwa kaneno. Et la parole na neno était avec Dieu. Ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole na neno était Dieu. Ilikuwa ndio Mungu. Ikanisa, cette église, mukusaniko yetu, notre réunion, mafundisho yetu, notre enseignement, imani yetu, notre foi, atuna na wakati ya kujifananisha na bakudunia, atuna na wakati ya kujifananisha na makanisa. Musafari yetu, dans notre voyage, mifano yetu, dans notre façon muyote tuko nafanya, saba toto ya Mungu, saba minifu, tushifanane na makanisa ya leo. Tunakuwaka na kanisa yetu. Ile ilianza na Yesu Kristu ye mwenyewe. Ile kanisa ya bamitume. Namna gani balitembea? Namna gani baliabudu Mungu? Kama leo, mimi niko na ubiri. Miwa kwanza kuhubiri neno. Kama leo unasema uko mwaminifu kwa hii neno, hauna wewe wa kwanza kuamini neno. Kama leo uko naimba, hauna wewe wa kwanza kumwimbia Mungu. Beko wako bali walikutangulia kumwimbia bali mbaka je. Kama uko dikoni, si toi tu es diacre. Kama uko jiko ni leo, si tu diacre, juwa kusema una wa kwanza. Beko wako bali walikutangulia. Kumbuka manjia yabo. Balitembea je. Balitumikia je Mungu. Vile balitembea. Muile njia balipita. Jo mule na wewe uko napita. Kama unesha pasula njia ingine. Amen. Kama unafanya kama shortcut. Si tu fais des raccourcis. Hautafika. Tu n'arriveras pas. Amen. Amen. Hautafika. Tu n'arriveras pas. Mwile kanisa ya kumwanzo. Dans cette église primitive. Balichakua jikoni. On avait choisi le diacre. Ule jikoni. C'est diacre. Stepheni. Stephen. Stefan. Ule jikoni Stephen. C'est diacre là Stefan. Balichakula muntu. On avait choisi un homme. Apana kufuatana na kabila. Un homme selon la tribu. Bali chakula mtu. On avait choisi un homme. Hapana kufuatana na eko na nini. Un homme parce qu'il lui avait eko na moyen. Avait les moyens. Hapana. Non. Bali chakula mtu. On avait choisi un homme. Wa kumtumikia Mungu mwile hekalu. Mwenye kujaa na Roho Mtakatifu. Rempli du Saint-Esprit. Njo alienea kutumika mule. Alors c'était lui qui était digne. Na si leo. Nous aussi. Wakati nafika. Le temps est venu. Ya kuweka batumishi. Badiko ni na bengine maofisi. Tushichakue mtu kufuatana na vile anasemaka. Tuchague mtu kufuatana na neno ya Mungu. Kama ni wa kiro. Juu kazi ni ya kiro. Ya fai na bali ni kuitumika bakuwe ba kiro. Amen. From the beginning it wasn't so. Kule kumwanjo haikukua kaivi. Wakati tulikuwa naona juzi. Lorsque avant-hier on voyait. Imani yake Elijah. La foi d'Eli. Hapa tunakuwa banduku na dada. Ici mes frères et sœurs nous sommes venus. Nirudie kaloko. Que je puisse d'abord revenir en arrière. Kuko siku moya iko na kuya. Un jour vient. Na ile siku. Et ce jour. Aina siku ya fura. Ce n'est pas un jour de joie. Aita katika saa hivyo naona leo. Ce ne sera pas un matin comme vous voyez aujourd'hui. Itakuwa ni siku ya sikitiko. Hapa pa dunia. Un jour de détresse sur cette terre. Ni Mungu anesha tayarisha ile siku. Dieu qui a déjà préparé ce jour. Na ile siku iko na kuya haraka haraka sana. Mbio mbio. À la hâte. Hatujue siku wala saa itafika. Ni l'heure. Ile siku usitamani na we ukue uone kwa ile siku. Juu Mungu anasema ni siku ya ole. Ni siku ya tabu. Ni siku ya kilio. Wa milele Mungu anasema taweka kila mtu mtabu. Mateso ya mingi. Mtu atalia. Amen. Mtu atasikitika. L'homme sera attristé, sera dans le chagrin. Mtu ni wa valeur. Macho ya Mungu ni wakati yako naishi neno ya Mungu. Kama uishi neno ya Mungu, hauna na value mbele ya Mungu. Kama uishi neno ya Mungu, kama uamini neno ya Mungu, uko wa bure macho ya Mungu, hauna na value. Tutasoma. Lisons. Sophonie chapitre 1. Sophonie sura ya kwanza. Sophonie chapitre 1. Sophonie sura ya kwanza. Konendaraka turudie kiroko jutembe pamoja na wale wakuu. Revenons d'abord pour aller au même rythme avec ceux qui n'étaient pas avec nous. Chapitre 1, verset 14. Sura kwanja, mustari ya kumi. Le grand jour de l'Éternel est proche. Siku kubwa ya milele imekaribia. Il est proche. Imekaribia. Il arrive en toute hâte. Siku nafika kwa haraka sana. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Siku ya milele inasikilizisha sauti yayo. Et les héros poussent des cris amers. Na shujaa anatoa malalamiko ya uchungu. Ce jour ile siku est un jour de fureur. Siku ya kasirani. Wapendwa tunafuatana. Tuko bien aimé, est-ce que vous avez bien suivi? Tuko wote pamoja. Sommes-nous ensemble? Ni Mungu yuko nasema hapa. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Kuko siku iko na kuya anesha tayarisha Mungu. Qui est préparé par Dieu. Hii siku haya sikaka pa dunia tangu mbingu na dunia inaungwa. Hii siku yaonekana pa dunia. Ni siku ya kutisha. Lakini iko na kuya. Bakaazi ba pa dunia. Basipo kuamini, bataiona hii siku. Sikia vile itatoa hii siku. Ni nini itakuwa mo? Haina siku ya furaha. Usiombe Mungu kaone vile vitafanyika. Mungu akutayarisha hii siku juu ya watoto yake. Ni siku ya kulipa. Ni siku atalipa hii dunia. Ni siku ya kuharibisha hii dunia. Ni siku ya kuangaisha hii dunia. Ndio kwa maana usitamani hii dunia. Usipende dunia. Na mambo yake yote. Amen. Ce jour est un jour de fureur. Il est siku, ni siku ya kasirani. Un jour de détresse et d'angoisse. Siku ya ole na ya uchungu. Un jour de ravage et de destruction. Siku ya uharibifu na ya mauaji. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Siku ya magiza na mweusi sana. Un jour de nuée. Siku ya mawingu. Et de brouillard. Na siku ya mubaya. Un jour où retentiront la trompette et le cri de guerre. Siku mle mutalilia parapanda na malalamiko ya vita. Contre les villes fortes et les tours élevées. Jéhovah n'a ce mapa. Jéhovah dit ici. Je mettrai les hommes dans la détresse. Kisha wewe témoin de Jehova. Et alors toi témoin de Jehova. Uko nasema tutarithi ulongo milele. Éternellement. Tutaishi milele hapa pa dunia. Ule aliumba hii dunia. Anaumba na mbingu. Anakuweka mo na wewe. Mui dunia. Ndio anasema je mettrai des hommes dans la détresse. Asemake bongo. Aina ndio mara ya kwanza atafanya. Alifanya mwakati ya Lot. Alifanya mwakati ya Noa. Usikuwe na ile imani ya kusema utaishi milele pa hii dunia. Pa hii bulongo hatutaishi po milele. Hii dunia inesharibika. Inayala na zambi. Inayala na damu. Amen. Mungu anasema, Dieu dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent. Ni or. Ne pourront les délivrer. Twende kukanisa. À l'église. Twende kukanisa. À l'église. Ah, nitafuteko makuta. Oh non, que j'aille chercher d'abord l'argent. Si, kutafuta makuta ni mzuri. Chercher l'argent, c'est une bonne chose. Twende kukanisa. Pana. Non. Sina na wakati. Je n'ai pas le temps. Yenda nichimbule ko maibu. Que j'aille d'abord creuser le minerai. Twenda. Vas-y. Ni paka mzuri. C'est bien. Lakini. Mais. siku ile iko na kuya, hata uko na mali mingi mnyumba, ku banki unayaza mali, ingine uko na tembea tembea nayo, ile siku ya kasirani ya wa milele, pale itamwangika pa hii dunia, hata makuta yako, hata oru yako, haita kuokoa ku ile magari ya wa milele iko na kuya. Amen. Amen. Tafuta makuta. Cherche l'argent. Tafuta maibwe. Cherche les minerais. Tafuta maisha. Cherche la lakini vie. Kumbuka ule alikupatia uzima. C'est celui qui t'a donné la kumbuka vie. Mwenye aliviumba vyote vile. C'est celui qui a créé toutes ces choses. Dunia hii. Le monde ici. Haina na maisha ya milele. N'a pas d'avenir, ce n'est pas éternel. Kama bali kufundisha asema utaisha hapa milele pa hii dunia. Na mimi nakwambia asema uko mgeni, tena uko msafiri. Kule ulitoka njoo utarudia. D'où tu viens, c'est là où tu vas rentrer. Ni leur argent, ni leur or, ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'éternel. Par le fait de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Tous les habitants du pays. Bote bakaaji bapa mgini, bapa, hapa dunia. Mungu anasema nitaharibisha. Je vais les détruire. Sasa wewe na mimi tutakuwa wapi? Mais toi et moi où serons-nous? Amen. Amen. Hii ni mapigo iko na kuya pa dunia. Kwa nani? Yeyote asiamini Yesu Kristo. Hii ni mapigo utaipata. Unapenda aupende. Hii siku ya wa milele yo iko na kuya. Mwenye kuwa na akili, mtoto wa Mungu, eko anakimbia makali ya Mungu. Mu wakati ya Noa, balikimbia makali ya Mungu. Balikimbilia wapi? Mungu alibashontea, ni wapi batafichama? Tu Mungu yafai kumuongopa. Makali ya Mungu ipo kuikimbia. Unanifuata batoto wa Mungu? M'avez-vous bien suivi, enfant de Dieu? Au temps de Noé, Dieu dit à Noé, tengeneza safina. Fais-toi une arche. Wewe unapata feva kwangu. Tu as eu la faveur de moi. Wewe unapata feva kwangu. Tu as eu la faveur de moi. Unapata neema kwangu. Ya, unapata neema kwangu. Tu as eu la grâce de moi. Wewe aufurahiwe mwii dunia sawa wote. Wewe unaheshimia neno. Ule tuweko naheshimia neno. Ule anaamini Yesu Kristo. Amen. Mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yeye atapona kwa ile siku iko na kuya, siku ya taabu, siku ya wa milele. Na ile siku inakaribia. Wakati ya Noa, akamwambia tengeneza safina. Alitengeneza safina na alilalamika. Sasa hivi niko nalalamika na leo. Sasa hivi niko nalalamika watumishi wa Mungu. Mukuye mwingie. Sio saa ya kupona ni hii. Kila mtu aponyeshe maisha yake. Kila mtu aponyeshe roho yake. Amen. Kuponyesha manafsi yetu. Épargner nos âmes. Aina kuingia mtabana. Ce n'est pas en entrant dans le tabernacle. Amen. Amen. Mtabana ako. Au tabernacle. Mwagati ya Noa, au temps de Noé, ponyesha manafsi yao, épargner leur vie, ilikuwa ni kuingia mkikintu, kile Noa kifanyaka, kile wanaita safina, njo mule Mungu alishontaka, leo, hata ile safina kama iko hapo, kile kilifanyaka Noa, hata kama kiko hapo leo, kisha wende uingie mule, hautapona, ilikuwa ni mwile wakati, na mwi wakati, tuko mpashi mwa kuponea, aina mutaba nako lakini muneno ya Mungu mwenye kuwa ni Yesu Kristo. Ushambie mtu asema ne dis pas à l'homme kuya tu mkanisa yetu ndio mko dans notre église, c'est là où il y a le salut. Mwenye kibumbashi dans ce mur hamuna woko, il y a pas le salut. Mwenye kibumbashi dans ce bâtiment hamuna matunzo, il y a pas de guérison. Mwenye kibumbashi hamuna kitu kitakusaidia. Mwenye kuwa matunzo, mwenye kuwa wokovu ni ndani ya Yesu Kristo. Là où il y a le salut, la guérison. Quand on a mis Yesu Kristo asitapata haya, ne sera pas confus. Maintenant, sois prudent. Dans cette arche, les gens y sont entrés. Les bêtes aussi. Les oiseaux sont entrés. Et dehors là aussi, il y a d'autres hommes qui sont restés. So, tunaona, maintenant nous voyons inside, à l'intérieur, ndani, à l'intérieur, mulikuwa bantu, il y avait les hommes, mulikuwa kikundi ya bantu, il y avait un groupe de gens, mulikuwa banyama, il y avait des animaux, na inje tena, et dehors aussi, kulikuwa vile vile, bantu, il y avait na nyama, les na gens et les animaux bingi. Et les restes d'histoire. Amen. Amen. Comme Dieu est le Dieu de sa parole, il est resté sur sa parole. En peu de temps, le monde que vous voyez, vous ne le verrez plus. En peu de temps, avant que ce jour-là arrive, on vous dit entrez. Amen. Amen. Si tunategemea kile Mungu alisema, msipende hii dunia. N'aimez pas le monde. Moi hamna ba dunia. Mushishi saba ku dunia. Muko bageni pa hii dunia. Muko napita hapo tu. Muko mu transit. Vous êtes tellement muko en pèlerinage. Nenda kule mulitoka. Vous allez là. Na mushishi saba ku dunia. Musifanane na ba ku dunia. Ne soyez pas semblable aux gens de ce monde. Amen. Amen. Mule musafina. Là dans l'arche. Il y avait les serviteurs. Kisha hukumu ikaanguka. Après que le jugement soit tombé, bale balikuwa inje. Ceux qui étaient dehors balihangaika sana. Ont vraiment eu na kutimbilia kuile safina. Ils couraient vers cette arche-là. Ili baingie. Pour qu'ils entrent. Déjà car ils ont vu déjà leur jugement. Lorsqu'ils ont couru vers l'arche, ils ont trouvé que la porte était déjà fermée. Ils ont commencé à crier. Tufungulie Noah. Ouvre-nous Noé. Tufungulie Noah. Ouvre-nous. Mina kuya. Je suis venu. Ni mie voisin wako. C'est moi ton voisin. Ni mina ni wako. C'est moi tel. Minjo mie. C'est moi. Na kuya sasa. Je suis maintenant venu. Mina ona huko abiendeke. Ni mie sasa. Noah alijibu anasema. Noé a répondu que mubaya sana. C'est vraiment mauvais. C'est triste. Car la porte elle-même. Aina mini lifunga. Ce n'est pas moi qui l'ai fermée. Kama ilikuwa ni mina funga. Si c'était moi qui l'ai fermée. Kufungula. Je l'aurais ouverte. Sasa ule alifunga. Ye kama anafunga. Hakuna mtu anaweza kufungula. Ye kama anafungula. Hakuna mtu anaweza kufunga. Personne ne peut venir fermer. Oh, sina na nguvu. Alors, je n'ai pas la force, je n'ai Amen. Pas le pouvoir. Amen. Kila kitu kiko na wakati yake. À son temps. Kila kitu kiko na wakati. À son temps. Hii ni wakati ya kuingia. Hii ni wakati ya kutengeneza maisha. Itapita hii wakati. Itapita hii wakati. Na kama inapita, utamtafuta Mungu, ataonekana. Leo eko anaonekana. Kumbe umtafute wakati eko naonekana. Ils sont restés dehors. Na wengine ndani. Et d'autres étaient à l'intérieur. Mulendani. Et là-dedans, Mulikuwa il y avait banyama. Les animaux, Mulikuwa bandeke. Il y avait les oiseaux, Mulikuwa bantu. Il y avait les hommes. Akini mulendani. Mais là, à l'intérieur, kama simba alikuwa mule. Si les lions étaient là-dedans, kisha kule banatoka. Et là d'où ils sont venus, alipendaka kasha. Il aimait la gazelle. Anamuona pale anekala. Et la voyant la gazelle là où il est, leur inimité et inimité ne pouvait pas continuer à se manifester sur la lâche. Pourquoi anakimbia makari ya Mungu, a fui la colère de Dieu, anakimbia makari ya Mungu. Et l'autre aussi a fui la colère de Dieu. Bote umu, banakuwa ni banduku, sont devenus des frères. Hakuna wakuria mwenzake, hakuna wakuua mwenzake. Pale sasa ni mapendo. Hata kasha alikuwa pale. Atali kalulu eko pale. Atamwangalia simba. Il va regarder les lions. Eko anamuonesha sema. En train de lui dire que Dieu. Umu hakuna namuna. Ici, y a pas moyen. Umu aba uanake. Ici, on ne s'entre de bord pas. C'est ici où nous sommes venus. Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Il n'y a que l'amour. Il ne faut pas s'en dévorer ici. Pas se médire ici. Là dehors. Laissez ça aux gens du dehors. Ici. Nous sommes venus suivre le salut. Regarde aussi à l'intérieur. Il y avait les oiseaux. Il y avait les serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Il y avait corbeau. Les corbeaux. Il y avait Colombe. Il y avait aussi Njiwa. Bote ni batumishi. Tous sont des serviteurs. Amen. Amen. Bote ndani ya ile safina. Tous dans cette arche. Panaikala pamuchi moya. Ils étaient assis sur un même arbre. Mule musafina. Là dans l'arche. Est-ce que tuko bote pamoya? Et sommes-nous ensemble? Tunaingia ndani ya safina. Est-ce que nous sommes tous ensemble dans l'arche, l'arche de Noé? Tuone vile vilikuwa. Voyez ce qui s'est passé. Apa Colombe anaikala. Là il y avait la Colombe. Apa Et le corbeau était aussi là. Quand les jours sont passés, la pluie a tombé. Noé anapenda atumi abo batumishi wote bawili. Voyez tous les deux serviteurs. Bende pale chini. Ils aillent là dehors. Batoke inje. Ils aillent dehors. Alianzia kutuma. Il a commencé par envoyer les corbeaux. Wende waangalie. Kunguru va voir. Kama kuna batia bulongo pale tunaweza kukanyanga. Quelque part à terre sèche là où nous pouvons proposer. Akukatala anaenda. Il n'a pas refusé, le corbeau est parti. Quand il est arrivé là dehors, terre, il a trouvé les cadavres, il y avait vraiment les charrons qui étaient là-bas, mais il a trouvé que cela était une nourriture pour lui, il a oublié là-bas, même la mission pour laquelle on l'a envoyé à cause du manger, à cause de son ventre, manger, et oublier la mission même pour laquelle on l'a envoyé. Amen. Amen. Kufurahisha mwili, faire réjouir son corps, kujifurahisha wewe mwenyewe, toi-même, kusahau, oublier, na kazi ile balikutuma, même le travail pour lequel on t'a envoyé, kumbuka kazi balikutuma mtumishi wa Mungu, souviens-toi du travail pour lequel on t'a envoyé, Mungu alikupatia kazi munene, ni ya kulalamika, ku batoto ya Mungu, bajitayarishe, akene si ile siku mbaya iko na kuya, pour être épargné, tuku kwa siku iko na kuya, ni siku ya hukumu, basi kwe kuhukumiwa. Ni kwa maana voilà Mungu anakupatia kazi. Te donne un travail. Wende. Toi, fanya kazi. Fais l'œuvre. Bado siafika. Avant que je n'arrive. Bado si amwanga kasirani. Avant que je déverse ma colère. Angalia watumishi wa Mungu. Regarde les serviteurs de Dieu. Vile tuko nafanya leo. Ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Amen. Wewe mwenyewe ujiweke pale. Toi-même, place-toi là. Kazi bali kutuma. Le travail pour lequel on t'a envoyé. Ya kutayarisha bibi harusi. De préparer l'épouse de Jésus-Christ. Na utumbe, avec le message bantu, que les gens puissent se préparer, dunia, qu'ils abandonnent le monde, sanamu, qu'ils abandonnent l'idolatrie, pour ne adorer que Jésus, qu'ils reviennent à leur créateur, mais inakua, toi c'est devenu occasion yako, toi une occasion d'amour pour faire plaisir à ton corps. Un jour vient. Mungu ataonyesha. Dieu va manifester batoto yake. Ses enfants. Bale balitembea na neno yake. Ceux qui ont marché avec sa parole. Bale balimheshimia pa dunia. Ceux qui l'ont honoré ici sur terre. Na yata baheshimia. Lui aussi va le faire honorer. Wakati sasa wanachunga, maintenant quand ils ont attendu le corbeau, il n'était pas rentré. Leo rapture inakawia. Aujourd'hui, vraiment, l'enlèvement a traîné. Rapture inakawia. L'enlèvement a traîné. Na tuko nasema inakawia. Et nous disons ça a beaucoup traîné. Inafanishisha nini? Qu'est-ce qui a fait que ça a traîné? Ile mambo. Nous le verrons. Mu wakati ya ba mitume. Au temps des disciples. Paul eko nasema. Paul dit. Shi bajima. Nous les vivants. Shi bajima. Nous les vivants. Atutatangulia. Nous n'allons pas précéder kulala, ceux qui sont endormis. Batafufuka kwanza. Ils ressusciteront premièrement. Na shi bajima. Ainsi que nous qui sommes vivants. Uzwa mili, nous serons transmués. Tu vois le mwili ingine. Pour revêtir d'autres corps. Twende kumbini. C'est alors que nous irons au ciel. Balikuwa. Ils étaient. Mwile atmosphère. Dans cet état-là. Mwile ali ya kunyanyuliwa. Beko nasema. Ils se disaient. Sengine ni mangaribi. Peut-être ce soir. Sengine ni busiku. Peut-être cette nuit. Atujue ni saka. Nous ne savons ni l'heure. Tu vois vile balikuwa naishi. Voilà comment ils vivaient. Mais aina vile viko leo. Ce n'est pas comme ça. Yafai turudie ku Biblia. Nous devons retourner à la Bible. Nous devons rentrer à la parole de Wakati Dieu. Alituma Colombe. Lorsqu'il a envoyé maintenant la Colombe, yeye aliheshimia kazi yake. Elle a honoré la Wakati mission. Anatoka msafina, quand elle est sortie de l'arche, elle est arrivée anangalia. Sur la terre, elle a observé vile aliona, ce qu'il a vu là. Elle est rentrée rapidement pour apporter le rapport à l'intérieur. Amen. Amen. Ce matin, fais un grand examen pour faire Arkita sana, tu dois t'examiner. Kumbuka, souviens-toi. Beaucoup de gens entrent dans l'âge. Et lorsque Dieu a fermé l'âge, d'autres, il les a enfermés à l'intérieur. Et d'autres, quand la porte s'est fermée, ils étaient dehors. Aussi, asubui, si c'est ce matin, ya oko, la porte fungwa, du salut est fermée. Utafungiriwa huko nje au utafungiriwa huko ndani. Ujiulize wewe mwenyewe uko wapi leo? Yesu anamuuliza. Jésus lui a demandé. Moïse alitupatia ruhusa. Moïse nous a prescrit. Mwanamke unaweza unamwandikia mkanda. Tu peux écrire une lettre de divorce à ta femme. Umfukuze aende. Elle a répudié. Na wewe unasema nini? Toi aussi, que dis-tu? Yesu, majibu yake, la réponse de Jésus ilikuwa, c'était que murudie kuneno ya Mungu. Rentrer, retourner à la parole de Dieu. Murudie kumapenzi ya Mungu. Retourner à la volonté de Dieu. Bila kiote uko nafanya tout ndugu, ce que tu fais, mon frère, dada, ma soeur, kwanza, d'abord, hata kinaonekana mzuri, même si ça paraît inapendeza roho yako, correct à tes yeux, cela plaît à ton cœur, d'abord retourne cela à la parole de Dieu. Mungu, kama ni consulte yake. Dieu si c'est sa volonté. Kama binachana na mapenzi si ya Mungu, usifanye. Ne le fais pas. Ah, tani vizuri je. Uliachie pale. Arrête là. Mungu asifurahie wemu. Dieu ne se réjouit pas de cela. Bandugu mnanifuata. Mes frères, mes soeurs, est-ce que vous me suivez? Yesu alibarudisha. Jésus les a retournés. Kuneno ya Mungu. À la parole de Dieu pour dire que. Alifanya vile. S'il vous l'a autorisé. Ni juu ya kutokuamini. C'est à cause de votre incrédulité. Lakini mumap. Mais. Sikiri ya Mungu alikukua emo vile. Ce n'était pas comme ça. Mungu akipenda kama mnaoana kunaisha. C'est pour toujours. Hakuna vya kuachana. Il n'y a pas à se séparer. Sasa. Maintenant. Juu ya marongo. À cause de la galette ile sheria. De votre cœur. Voilà pourquoi il vous a donné cette permission. Amen. Amen. Notre adoration, mes frères, n'adorons pas comme le reste des gens. Nous avons notre façon d'adorer notre Dieu. Lorsque Élie, on a détruit toutes choses comme aujourd'hui. Amen. Amen. La façon d'adorer Dieu, on a déjà tout dérangé. Même dans le message ici, nous avons dit qu'il n'y aura pas quelque chose qui va dépasser le message que nous avons reçu, mais ce n'est que toujours dans ce même message, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils vont venir troubler les messages, ils vont vraiment déranger, de manière à dire que, même devant un païen, quand vous dites tellement que moi, je suis croyant au message du temps de la fin, il te permet même de se moquer de toi, et si tu te moques de toi, pose lui-même la question, mais pourquoi tu te moques de moi? Kama na expliquer, tu diras que c'est vrai. Amen. Amen. Lakini mwe na mie, mais vous et moi, turutie, retournons kuneno ya Mungu, à la parole de Dieu, ya kumpendeza Mungu, pour plaire à Dieu. Elie alianzia kwanza kutengeneza mazabao. Elie a commencé par rebâtir l'hôtel. Anajenga mzuri ile mazabao Jezabel aliharibisha. Jezabel avait détruit. Vile bali zambalalisha bana kukuza presence ya Mungu. Ils ont chassé la présence de Dieu. Mule Samarie. En Samarie. Kwake Elia. Pour Elie. Ju amuombe Mungu. Pour qu'il prie correctement Dieu et que Dieu puisse l'exaucer. Alianzia ako kujenga kipya. Ile bintu bali haribishaka. Ce que les autres avaient dérangé. Joka juko nayo ndugu na dada. Pia kutengeneza bintu byenye kuharibika mu maisha yako. Tengeneza mzuri. Tandika mzuri. Jenga mzuri mazabao. Rebati l'hôtel. Jo utamuomba Mungu na Mungu atakujibu. Et Dieu va te répondre. Mungu wetu yuko na jibu na leo. Notre Dieu répond même aujourd'hui. Dieu marche avec ses enfants même aujourd'hui. Notre Dieu conduit son église même aujourd'hui. Si les autres disent que c'est le Dieu qui était au temps là où il avait fait au temps des disciples, c'est vrai, il avait fait. Dans cette église-là, il avait fait. Maintenant, cette église-là et l'église d'aujourd'hui, ce ne sont pas des églises différentes. Si ce sont des églises différentes, c'est-à-dire nous, c'est nous qui avons dérangé les choses, c'est nous qui ne marchons pas correctement avec la parole. Si nous marchons correctement avec cette parole, avec ce message, de la manière dont nous l'avons reçu, si nous marchons correctement, nous verrons maisha yetu. Na, na Mungu mwenyewe. Ataonekana katikati yetu. Amen. Amen. Amen. Ephésiens 2. Ouais, Ephésiens sur la pile. Ephésiens 2. Ouais, Ephésiens sur la pile. Verset 20. Mustari à makumi mbili. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Oui, mulijengwa juu ya msingi wa mitume. Et des prophètes. Et wa nabii. Amen. Amen. Est-ce que mon afata? Avez-vous suivi? Fondement yetu. Msingi yetu. Ya imani yetu. De notre foi. Pale inasimamia. Là où ça se repose. Atusimamie mpepo hapana. Nous ne reposons pas. Atujenge imani yetu juu ya Mungu hapana. Imani yetu inajengwa juu ya hii imani iko hapa ya ba mitume na ba nabii. Namna gani walitembea na Mungu? Namna gani walimuabudu? Ba nabii saa Elia alitengeneza kwanza vitu vyenye kuharibika. Bado hayamuita Mungu wa milele. Akatengeneza, anajenga mzuri. Jo alimuita Mungu wa milele na Mungu alijibu. Amen. Amen. Si atusimamie peko Branham. Nous ne sommes pas fondés sur Branham. Kanisa hii haikuanzia kwa Branham, haikuanzia kwa America, haikuanzia Kolwezi, haikuanzia Lubumbashi. Hapana. Kanisa ya Yesu ilianza kule na ba mitume. Ye mwenyewe ndio alijenga. Na hivi yuko nasema hapa. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Kumbe, donc, kama tuko na ubiri, si nous prêchons, tushubiri saba pente. Ne prêchons pas comme les pentecôtistes. Niba mingi ba ubiri. Beaucoup de prédicateurs sont séduits aujourd'hui. Bananza kujifananisha. Commence à se comparer ba kipente. Aux prédicateurs pentecôtistes. Amen. Amen. Si tuko na bale tuko nafuata mkongo. Nous avons ceux-là que nous suivons. Baba yetu muimani. Nos pères dans la foi. Bankambo yetu muimani. Dans la foi. Ba mitume. Les disciples. Ba nabii. Les prophètes. Bali abudu je Mungu. Comment ont-ils adoré? Kama imani yako. Ta foi. Haifanane na bale. Pas semblable à celle. Ni kusema una muimani. Toi tu n'es pas dans la foi. Ni kusema una mu message. Tu n'es pas dans le message. Le message. Aina kubeba tu ma brochure. Pas de prendre des brochures. Uko nenda na kusoma. Tu es en train de lire. Unayaza mu nyumba. Tu en as beaucoup. Ni nini asema niko wa mumessage. Oh, aina ile njo kuwa mumessage. Kusoma message na kuwa mumessage ni vitu biwili vya nikuachana. Unawezi unasoma Biblia lakini hauna ujumbe. Unawezi unasoma message sana lakini hauna ujumbe. Basi kuwa ujumbe ni nini? Kuwa ujumbe ni wewe kurudishiwa kumaandiko, uishi maandiko, uishi maneno ya Mungu, uishi saba mitume, bali abudu Mungu. Je, tutaona. Amen. Amen. Hapana kusema sema tu achie. Kinjo ba mvenite. Verite ni neno ya Mungu. Kama ndani mwako hamuna verite na wewe mwenyewe una mverite. Kama hii neno iko ndani mwako ni ya kweli uko mverite. Ni ba mingi beko nafanya makelele. Si ba message. Si ba message. Message ni nini? Message ni kuishi neno ya Mungu. Message ni kuishi maisha ya utakaso. C'est ça le message. Et non, je suis du message. Moi je ne peux pas porter des jupes courtes. On m'a interdit. Le pasteur a prêché, non, il ne faut pas porter des jupes courtes. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça le fait. D'être dans le message, nous voyons celle du dehors, même une prostituée. Elle est prostituée. Mais elle a déjà porté une longue descente. La manière dont elle se comporte avec des longues jupes, c'est vraiment différent. Amen. Amen. anaende yuko natongoza elle séduit mwenye kuvua la birefu ayant porté de longues jupes anaende yuko natongoza na nywele mrefu avec une longue chevelure. Kumbe wewe kama unavua la birefu unachunga nywele unafanya mzuri lakini hauyafanya cha kupita pale utafanya cha kupita ni maisha yako kama inarudia kumaandiko maisha yako kama inabadilika maisha yako kama inampendeza Mungu pale uko mumesa pale unafanya kitu kiko cha yulu sana. Amen. Amen. Taona siku ya hukumu. Le jour du jugement. Kama hauna na neno ya Mungu. Si tu n'as pas la parole de Dieu. Kama hauna na Roho Mtakatifu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. Utajikuta mwile siku iko nakuya. Tu vas te retrouver en kama ce jour-là qui vient. Kama inakupata pa dunia. Si tu vas te retrouver sur cette terre. Na dada utalia. Mon frère, ma soeur, tu vas pleurer. Utasema nilisikia message lakini pale message haitakusaidia. Ili ujumbe iko na kusaidia leo hapa uko nasikia na unabeba position ya neno ya Mungu ndio pale itakuwa na mafaa tu iko naenda kutransforme maisha yako mui neno muko uwezo ile iko na transform maisha ya mtu huwezi kuamini hii ujumbe kisha maisha yako inabakia vile vile hauamini tu n'as pas encore cru. Je n'y connais car je vois. Kama mina kumbuka, quand je me souviens. Kuyetu, mes frères, là à la Pentecôte. Wakati waliamini ujumbe zile walitembea na ujumbe utafurahiwa sana utapenda ukue mwile kanisa jebi nakuwa hivi leo tuko naona jebi tunakuwa hivi tunakuwa leo jebi unakuwa hivi mina julizaka dugu hii neno moya moya la même parole jo ilikuwa kuile kanisa ya kumwanzo banaume na banamuke et les femmes ceux qui avaient cru à cette parole ils avaient changé leur vie avait été transformée. Amen. Amen. Jésus a trouvé Pierre en train de pêcher il lui dit il a trouvé il n'était pas habillé il lui dit arrête Kulopola samaki, le péché, les poissons, kufanya weye, et je ferai de toi kuye, pour que tu sois tafuta, pour chercher kondolo yangu, mes brebis. Voilà. Habille-toi. Pale, pale, ali, voilà. Sur place, Pierre s'est habillé. Naka endelea kufuala. Et il a continué à porter. Petro, Pierre, alikuwa ni mwanaume sa weye. C'était un homme comme toi. Alikuwa mwanaume sa mie. C'était un homme comme moi. Ni mtu, alikuwa mzaifu. Qui était faible. Amen. Amen. Lakini mais pale alisikia neno anamwambia kuya unifuate maisha yake Petro ilibadilika na ushuhuda inabakia inaandikwa Amen. Amen. Biko je kwako wewe comment se fait-il chez toi biko je kwetu leo comment ça se passe avec nous mwile kanisa dans cette église il y avait des hommes de croyance et il y avait des croyances comment ont-ils marché avec nini la parole qu'est-ce qui a fait de vous dès que vous êtes tu n'es pas chaud tu n'es pas timide tu n'es pas païen on ne te voit pas comme païen on ne te voit pas comme un véritable chrétien comment es-tu devenu ce que nini tu es qu'est-ce qui a fait que tu sois ce que tu es. Amen. Amen. Mambo ingine. Autre chose. Ni. C'est. Bale banaume. Ces hommes-là. Bamwile kanisa. De cette église-là. Kama nabeba neno. Il prend la parole. Ananza kubiri. Il commence à prêcher. Abakwa na changa kwa kili yabo. Il n'y mêlait pas leur intelligence. Banduku munanifuata. Mes frères, que vous me suivez. Abakwa na changa ko. Il n'y mettait pas. C'est à quoi bo. Leur tradition. Apana. Non. Ni neno pa neno. Parole sur parole. Nakama. Et si bana kupatia neno pa neno. On te donnait parole seulement. Et tu vis seulement la parole. Ta doit te changer. Ta kubadirisha. Mambo ya leo. Ce qu'il y a aujourd'hui. Mambo ingine iko nafanishisha. Ce qui fait que. kushikue transformation. Qui est pas transformé. La cosa kwa mabadiliko. Kushikue kuzaliwa mara ya pili. Kushikue kupokea Roho Mtakatifu. Ni mie niko na kuhubiri. Kama mimi na kuhubiri vya bongo, utakuwa Mkristo lakini hautazaliwa mara ya pili. Kama munapenda, si tu veux, tutengeneze hii neno kufuatana na mwe vile muko natafuta, tutaileta lakini hamutaenda kumbingu. Kule kumwanzo, kule kupente, balikuwa na ubiri neno pa neno. Kama iko buzito, tuilete paka vile na buzito yayo. Kama iko nguvu tuilete vile vile na nguvu yayo. Tusipunguze, hawakupunguze hapana. Prophète, le prophète, pasteur, mhubiri yeyote akupewa hii neno fundishe kufuatana na akili yake. Hii neno vile vile ilipewa kwetu, ndio vile tuilete kwenu. Amen. Amen. Ya kuchanga changa. Hybrider les choses. Ni vyenye kulaniwa. C'est toutes les choses hybridées sont maudites. Est-ce que vous m'avez suivi? Kamionesha hivi. Je vais vous le dire. Munaona huku kwa dunia. Voyez-vous dans ce monde? Nirudie kwanza kumwanzo. Que je puisse rentrer d'abord au commencement. Mungu anaumba nkuku. Dieu a créé la poule. Mungu anaumba vitu vyote. Il a créé toutes choses. Ndege, nyama na mungu. Les oiseaux, les animaux et l'homme. Anasema iko bien. Tout est bon. Shetani. Le diable. Alimulaka mtu anasema. A dit à l'homme que promis, mungu, vous serez comme des dieux et vous créerez aussi. Wakati tuko naishi mwe na mimi. Le temps dans lequel nous vivons vous et moi. Shetani anasimama. Le diable s'est tenu. Anasema. Il dit. Tutamprouver mungu. Nous allons prouver anasema, à Dieu. Anasema kama yeye aliumba. Il lui a créé. Na shetani tuko na uwezo ya kuumba vitu. Nous avons le pouvoir de créer aussi les choses sur cette terre. Amen. Amen. Banabeba akili yao. Ils ont pris de leur intelligence. Banaichanga. Ils ont mêlé cela. Na bima chemicals. Avec des quoi ça? Ma dawa, avec les produits, ma chemicals, semeje. Si unaona pale beko nafanya, kwa mfano, ule nkuku wa bashinwa. Ah oui. Ils ont hybridé cela. Munaona ule nkuku wa bashinwa? Voyez le poulet ici que nous payons chez les Chinois. Je vous pose la question, voyez le poulet ici en sachet qu'on donne, c'est des Chinois. Amen. Ok. Mutakusikia. Vous allez comprendre. Kuko hapa pa dunia leo hivi. Aujourd'hui sur cette terre ici, namna mbili ya bankuku. Il y a deux types de poules, deux espèces. Kuko nkuku. Il y a le poule, la poule. Ule mtu anafanya. Que l'homme façonne. Mukupinganisha neno ya Mungu. En s'opposant à la parole de Dieu. Jo ule nkuku wa bashinwa. C'est ces poulets là que nous voyons sur le marché. Munamkumbuka? Et vous vous rappelez de ce poule? La poule blanche là, le poulet. Quand vous voyez, vous allez au marché, vous allez trouver là, vraiment dans un panier qui ne bouge pas, qui ne fait pas trop de mouvements. Vous vous rappelez de ce type de poule? Sommes-nous ensemble? Et les autres peuvent payer cela. On va l'immoler. On prépare cela, on mange. Mais nous tous ici, prenons seulement cette poule-là, que nous puissions la placer. Nous voulons voir la vie de cette poule-là, qui a été créée, qui est venue de l'intelligence humaine. Amen. Amen. Car le diable, tel que nous sommes, comme nous sommes au temps de la fin, il dit, toi l'homme, je t'ai dit, tu as aussi le pouvoir de créer aussi, ton temps est arrivé de créer. Alors il a pris les produits pour hybrider. Il a pris les produits chimiques. Il y a introduit son intelligence à penser. Ou les Chinois. Ces Chinois-là. Il a introduit aussi son intelligence. Et il a produit maintenant ce poulet-là. C'est comme ça que ça se passe. La poule hybridée. Cette poule-là n'a pas été créée par Dieu. Je vais te montrer que la poule créée par Dieu a une vie différente de la poule produite par les Chinois. Suivez correctement. Le poulet des Chinois, quand vous le placez ici, vous voyez comment est-ce qu'il se tient debout. Ces pattes-là, c'est différent. Si vous le placez quelque part à un endroit, vous verrez au moins son état, comme s'il veut somnoler, il veut dormir, comme s'il veut tomber. Il ne sait pas se tenir debout. Il va essayer de se tenir debout un peu. Ce n'est pas ça sa nature. Ce n'est pas ça sa nature. Il n'est pas né avec. On l'a forcé seulement, on l'a façonné. Il ne faut pas être semblable à cette poule des Chinois. C'est un produit de l'intelligence humaine. Ne sois pas un chrétien qui dit un produit de l'intelligence humaine. Que personne ne puisse se façonner pour être son chrétien. Tu n'iras pas au ciel. Tu ne vas pas changer. Tu vas rester toujours le même. Des années, des années. Parce que tu crées l'homme. Et c'est l'homme qui a fait de toi un chrétien. Mais le poulet chinois, quand vous observez sa vie, s'il se tient quelque part, comme s'il est tremblé, comme s'il est malade, comme s'il veut s'asseoir, comme s'il veut dormir, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait cette action? C'est la confusion qui est sortie de l'homme, voilà. Tu ne peux pas te tenir debout correctement. Amen. Amen. Lui, même s'il a faim, tu ne le verras pas sortir pour aller chercher à manger sa nourriture. Est-ce que voyez-vous, vous pouvez voir le poulet chinois aller chercher à manger. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Ce poulet chinois-là, vous l'appelez une pondeuse. C'est un poulet de blanc. Un poulet de blanc. Maintenant l'autre. Comment l'avez-vous toujours appelé? Indigène. Mais. Une poule indigène. Naturelle. Nous devons parler comme des enfants de Dieu. Nous devons retourner la gloire à Dieu. Dit. Ça c'est une poule créée par Dieu. Et l'autre c'est une poule du diable. L'autre, c'est une pondeuse créée, produite par les hommes. Et la poule créée par Dieu, il ne faut pas dire que c'est une poule indigène. Il n'est pas indigène. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Nous devons parler comme des enfants de Dieu. Retournons la gloire à notre Dieu. Quand il crée, écoutez ce qu'il dit. Wakati yako naumba quand il crée chapitre 1 sura ya kwanza mwanzo Dieu dit Mungu akasema sura 9 que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu maji yenye kwa juu ya mbingu ikusanyike fazi moja. Et que les secs paraissent et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était. Amen. Amen. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kwamba ile yote bila niumba biko bon. Iko ya mzuri. Hakuna kibaya. Usizarau hata kimoya. Wakati anaumba, anarudia angalie maumbile yake. Anasema, il dit, yote biko bon. Tout était bon. Amen. 21. Makumbi na moja. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Mungu akaumba masamaki kubwa na wanyama yote ni kuishi ni kutambala. Et que les eaux produisir en abondance selon leur espèce. Na maji katoa aina ya kwatana chana ya ile yote wanyama. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Na kaumba vile vile bandeke ba mabawa kufatana na aina yao. Dieu vit que cela était bon. Mungu akaona kwamba ile ilikuwa ya mzuri. Sasa je wewe uko unasema hii ni ya kishenzi. Comment petit dit que ça c'est indigène? Et hii hapana. Isano. Hapana. No. Ya kishenzi ufanye hivi sasa. Fake indigène. Ya kishenzi ni kile cheupe. Fake indigène ni yule pondeuse. Akina na akili. Sana pade de. Siku kani ulionaka adabu na katika. Même si c'est le matin. Amen. Amen. Munafungula milango hivi munafungula. C'est le matin. Unamwona ye mwenyewe anaenda kutoka nje. Yeye anatunga ila mubambe kuende nje. Unaisha katika. Asijue kitu ye mwenyewe. Kama jana sikia njala, yeye anatunga mpaka pale anekala bamletee chakula. Kupitu waje. Unapenda kukuletea chakula mpaka kunyumba. Amen. Amen. Kama nasikia njala, si la pondeuse a faim, vous allez mettre à manger devant. Kula chakula yo indwe kona kula. Et c'est alors qu'il doit commencer à en train de trembler. Sanata kuanguka. Comme s'il veut tomber. Mais quoi mon vengine ou? Il y a de ça la parole. Le temps d'écouter la parole de Dieu. Kula neno. C'est le temps de manger la parole. Mais là c'est le temps à lui pour dormir. Il est semblable à qui? Rudia kumwanzo. Retourne au commencement. Ufanane na ule mkuku wa Mungu. Que tu sois semblable à la poule naturelle. Yeye na akili. Il avait l'instinct. Kama inenea tani usiku wa che. Même si c'est la nuit. Wa mtu mushingishi. Tu es endormi. Inenea. Dès qu'il est temps. 2h du matin. À 2h du matin. 4h. À 4h. Utasikia, vous entendrez que dans cette maison aussi, il y a un coq de Dieu. Eko na akili. Il a l'instinct. Eko na sa. Il a l'heure à laquelle il doit chanter. Il n'oublie jamais son heure. Il ne peut pas se tromper, il honore l'heure. Dès que c'est l'heure pour chanter, il doit te réveiller. Il est temps. Ni 0 ni 4 heures. Ni 0 ni 4 heures. Ni 0 ni 2 heures. Réveille-toi. Et avec beaucoup de bruit. Mais la pondeuse, elle, en train de chanter, a endormi. Sortez du sommeil. Mufungule macho. Ouvrez les yeux. Ni saa kutembea na Mungu. C'est temps de marcher avec Dieu. Mutoke mumshingishi. Sortez du sommeil. Amen. Amen. Ule nkuku wa Mungu. La poule naturelle. Alitoka wapi? D'où est-elle venue? Alikuwa mule. Elle était là. Muakili ya Mungu. Dans la pensée de Dieu. Plan ya Mungu dans le plan de Dieu. Wakati Mungu alina mkuu yamo sasa. Quand le temps est venu pour Dieu de niumbe kuku. Que je puisse maintenant créer une poule. Juu ya watoto yangu. Pour mes enfants. Alitoka kwa ni mumafikiri ya elle est sortie de la pensée na de Dieu. Aliweka yote binamfaa. Et Dieu a placé dans la poule tout ce qui lui était utile. Unakatika. Et vous maintenant au matin. Kama banafungula milango ya kanisa. Dès qu'on ouvre les portes de l'église. Ule nkuku wa Mungu. Cette poule de Dieu. Anajua saa yake. Qui connaît son heure. Anajua saa inenea. Il connaît qu'il est temps. Hata alikuwa mshingishi mwake. Même s'il était en plein sommeil. Inenea, inenea. Dès qu'il est temps, il est temps. Ye mwenyewe. De lui-même. Sasa vile Mungu alimpatia mikono. Dieu lui a donné les pieds. Iko nguvu. Il encore fort. Dieu lui a donné sa force. Il doit marcher. Kwenda kutafuta chakula yake. Pour aller chercher à manger pour lui. Chakula hii. Car c'est de cette nourriture. Dans cette parole de Dieu. Que nous recevons la force pour marcher. Amen. Amen. Ni nini? C'est quoi? Bia kuchanga changa. Hybridation. Bia kuchanga. L'hybridation. Bina kombanisha neno ya Mungu. Bila komba la parole de Dieu. Ni namna moya. De la même façon. Na mhubiri mwenye kuhubiri. Akili yake anaichanga na neno ya intelligence pour mêler cela à la parole de Dieu. Ni kweli ba kuamini bataamini. C'est vrai, les gens vont croire cela, mais maisha yao ni saa ule nkuku wa chinois. C'est comme cette pondeuse. Est-ce que vous m'avez-vous suivi? leur vie, tout cela qui croit à la parole, qui est donnée selon la tribu, mélangée avec des traditions. Dieu n'est pas dans ces histoires. Là, il n'y a pas la force qui change, qui va dire, dans cette parole libérée, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Même si vous l'entendez, un invité de Dieu commence à mélanger, à hybrider, va le voir avec respect et lui dire que nous voulons mourir, car tu as déjà commencé à y mêler des traditions. Amen. De Corinthiens 13. Wa Corinto wa pili sura 13. De Corinthiens chapitre 13. Wa Corinto wa pili sura 13. 5. Mstari wa 5. Examinez-vous vous-même. Ujichunguze nyinyi wenyewe. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Mupate kujua kama mko katika imani. Éprouvez-vous vous-même. Ujipime moyo wenyewe. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et si amutambua kwamba Yesu Kristo yuko ndani mwenu. Au moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Isipokuwa tu kama mko benye ukataliwa. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que lakini ya kwamba najua kwamba mtatambua ya nous ne sommes pas réprouvés. Ya kwamba si hatuna bahati benye ukataliwa. Wewe mwenyewe ujiexaminer. Que tu puisses ujichunguze. Beba imani yako. Quand ta foi. Uyangalie we mwenyewe. Toi-même. Ujiexamine we mwenyewe. Ujichunguze kwanza we mwenyewe. Uone imani yako. Kwa ta foi. Kama ni yenye kusimamia pa Biblia. Si elle repose sur kama inaweza rudishiwa kumaandiko. Kama uyarudia kumaandiko. Balo tu auyaamini. Ni mzuri uamini hata leo. Usitupe wakati wako wa bure. Amen. Amen. Tuone baba yetu waliabudu je Mungu. Voyons d'abord nos pères, comment est-ce qu'ils ont cru, Matendo Mitume. Acte chapitre 2. Matendo Mitume, sura ya pili. Balitembea je na neno ya Mungu. Comment ont-ils marché avec la parole de Dieu? Kanisa ilikuwako. Il y avait l'église. Amen. Amen. Balijenga kanisa, baliabudu je. Comment ont-ils adoré? Balitembea je na neno ya Mungu. Marché avec ces paroles de Dieu. Kufanya tu. Ne montons pas des histoires. Tukwe tuko baaminifu, babi ya kweli yenye kuzaliwa muaminifu. Soyons des croyants nés dans la foi. 42. Makumi ine na mbili. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alikuwa kana dumu katika mafundisho ya mitume. Dans la communion fraternelle. Katika ushiriki ya kindugu. Dans la fraction du pain et dans les prières. Kugawanyana mkate na katika maombi. Amen. Amen. Est-ce que tu konafuata? Est-ce que nous suivons? Kumbuka vile balikuwa na mwabudu Mungu. Bizi ile balikuwa kanayo. Tu disais qu'ils avaient quand ils arrivaient. Tu mambo ya kujiexaminer wewe mwenyewe. C'est un problème d'examen personnel. Prends ce que nous lisons. Linganisha sasa na maisha yako ya kiroho. Compare cela à ta vie spirituelle. Vile uko natembea wewe mwaminifu toi-même, toi croyant, es-tu croyant comme ceux du temps des apôtres? La crainte s'emparait de chacun. Oga ilianza kushika kila mmoja wao. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Na miujiza mingi ilianza kufanyika na maajabu. Les apôtres. Kupitia mitume. Tous ceux qui croyaient. Wale wote walikuwa naamini. Étaient dans divers lieux. Balikuwa kama fasha kwa chana chana. Sema amen. Hapana. Minjo vile Biblia iko na nionyesha. Moi, c'est comme ça que la Bible me dit. Ceux qui croyaient au temps des apôtres, chacun d'eux était chez lui, chacun dans ses activités. Il fallait se rencontrer seulement les dimanches. Les croyants d'aujourd'hui. N'êtes-vous pas déjà hybridé? Les croyants des dimanches. En ce moment-là, il n'y en avait pas de pareil. Savez-moi, des travaux. Nous sommes seulement les gens qui les chrétiens de dimanche. Cette fois-là, n'était pas au temps des apôtres. Disons-le clairement. Amen. Amen. C'est ça le véritable témoignage. Si toi et moi, nous n'étions pas là, nous avons celui qui était là, celui qui a dit que les croyants doivent être comme cela, c'est le Saint-Esprit. Que tu crois aussi, cette parole doit les changer, qu'ils aient le Saint-Esprit. Et c'est la même parole que tu crois aussi. Maintenant, comment expliquer que toi tu ne changes pas dans ta foi, dans ta vie? Comment expliquer que ça ne se fait pas chez toi comme ça s'était passé chez eux? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit comme eux. Tu ne marches pas comme les disciples. Tu n'as pas la même foi comme celle qu'avaient les disciples. Soit tu n'as pas encore cru. Car les dieux qui a fait deux tels qu'ils étaient, c'est le même Dieu en qui nous avons cru aujourd'hui. Comment nous devons rester tels que nous sommes? Amen. Amen. La, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils allaient adorer en un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Aujourd'hui, c'est la confusion. L'homme entre dans notre tabernacle, la femme dans un autre tabernacle, la femme est catholique. Non, c'est la confusion. Ça, c'est quelle façon d'adorer. Dans un même foyer, quel est le Dieu qui domine? Ils vendaient leurs propriétés. Et leur bien, et ils ont partagé les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Coule. Là, il n'y avait pas à dire non, je ne vais pas aller à l'église, car je n'ai pas à manger, car je n'ai pas d'habits, mes habits sont sales, que j'aille chercher du savon, ça ne se passait pas comme cela. C'est lui qui en a, en lui, il aura le désir de dire, si moi j'ai quelque chose aujourd'hui, mon frère n'en a pas, déjà lui en donner aussi, tous avaient la même foi, ils avaient le même enseignement, ils avaient un même Dieu, la même parole, les mêmes habitudes. Aujourd'hui, ce n'est pas ainsi. Chacun pour soi. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils travaillaient. Ils faisaient à manger. Mais le temps de culte, le temps d'adorer, tous étaient ensemble. Ils quittaient leurs activités. Lorsqu'il était temps d'adorer, ils se retrouvaient en un même lieu. Il n'y avait pas celui qui pouvait dire non, c'est aujourd'hui. Ni yenu mi siku yangu ni dimanche tunesha toka mwile imani ya kikatoliki tuko muimani ya mitume kuabudu kwetu ni kila siku unajua siku atarudia atujue sabida tujue kila siku iko na katika anaweza anarudia atakukuta wapi utapeleka nini mbele yake utapeleka mashamba utapeleka madola utapeleka maibwe ni nafsi eko nafuata eko nakuwa kubeba nafsi eko nakuwa kubeba mtu mwenye kuyala na Roho Mtakatifu auna na Roho Mtakatifu utabakia. Chapitre 4. Verset 30. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Maelfu ya watu wale waliamini walikuwa wote moyo moja na nafsi moja. Wale waliamini. Ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, walikuwa bote moyo na moja, kina ame, na nafsi moja. Nil ne disait que c'est bien lui appartenance en propre. Akukua ta moyo katika yo wakusema, hii bintu ni byangu bya mi moya. Mais tout était commun entre eux. Lakini vyote vilikuwa byabo bote pamoja. J'examinais na shie. Examinons-nous maintenant. C'est ici qu'a commencé l'église de Dieu. C'est ici. Nous sommes à la fin, mais l'église de Dieu, c'est la même église. Angalia. Regarde. Fanya. Compare. Ou compare. Ou fananiche. C'est que nous lisons ici. Zoro, il c'est un esprit qui dominait en eux. C'est comme ça qu'ils marchaient. C'est comme ça qu'était leur foi. Tous d'un même cœur. Amen. Amen. Sasa, maintenant, de toi-même, fananisha na hii kanisa, que tu puisses te comparer à cette église. Si ta foi, ibi, biko ndani mwako, est-ce que c'est kama vina mwa, una message. Si tout ce que nous lisons ici se trouve en toi, si ça ne s'y trouve pas, c'est que tu n'es pas dans le message. Amen. Amen. Ah oui, je message. Tu ne vis pas le message. Tout message. Car le message, oui, message. Vivre le message, c'est retourner à ce que nous comme disons. Tu si nous retournons à ça, c'est alors que nous serons na dans le message. Et cette église primitive, comme il est esprit, si cet esprit-là, comme il est aminifu, qui avait ses croyants, nous le soyons aussi. Kubebu, akwetu, vous remarquerez que tuko nous serons rapidement enlevés. Hii kanisa, cette église, kile iko na chunga, ni ile atmosphère, ile ya kumwanzo, ile mapendo, ile roho, zile roho ilikuwa na baongoza, sio vile tuongozwe na shii leo, tuitikie vile, kama tuitikie vile, muko naona, kunyanyuliwa kuko na kuwa mbali. Mungu hawezi kubeba bantu ba namna ile. Huyu na vyake, huyu na vyake, huyu anawaza vingine, huyu anaamini vingine, lakini hata tukue pamoja. Turudie tukue wote mti moya. Imani moya. Kufikiri kumoya. Même façon de penser. Il y avait l'amour. Il est au pendo comme il n'a couillé. Cet amour, si ça venait ici, nous n'allons pas tarder, nous nous irons au ciel. Amen. Amen. Akuna muntu eko na jivunia. Il y a personne qui se vante. Kama gari, ah, ni yangu tu. Qui non, ça c'est ma voiture. C'est ma voiture. Ce n'était pas comme ça. Alikuwa anasema. Il disait. Kama niko nacho leo. Si j'ai quelque chose aujourd'hui. Kama uko na moto. Si tu as une moto. Kama uko na gari. Si tu as une voiture. Uko na mashamba. Tu as un champ. Kila muntu eko na jiweka hapo asema. Chacun de nous pouvait se placer. Balipatia tu. On me l'a donné seulement. Pour que je sois un gérant. Ni kitu kya bantu wote. C'est quelque chose. Un bien commun. Iki niko nacho. C'est que j'ai. Akina c'est pour les frères, c'est pour les enfants de la Dieu, mais si on me l'a donné, c'est pour que j'en sois seulement un gérant. Je me souviens quand j'avais cru, neno inakuya. La parole est venue. Niko nasikia neno. J'ai écouté la parole. Siku ya kwanza. Le premier jour. Niko nafuata j'ai suivi la prédication ya mtumishi wa Mungu, du serviteur de Dieu, wa kukoloesi. De Kolwezi. Mwile wakati. En ce temps-là. Hapana tuseme iko vizuri vyake. Non, parlons le bien de cet homme-là. Kama anashanguka. S'il est déjà tombé. Nous tunapoteza. C'est nous qui avons perdu. Otherwise. En ce temps-là, les serviteurs de Dieu, un pentecôtiste, il ne pouvait pas se tenir debout, il ne pouvait pas, très loin, il ne connaît rien, mais les serviteurs de Dieu, na bengine mkumbuke tu. Et d'autres souvenirs kama de, mnakumbuka si vous pouvez vous souvenir neno ya Mungu de, la parole de Dieu ici haikukua hivi mwile wakati mimi nasemaka je l'ai toujours kama ilikuwa sasa hivi sangine kile amini je ne pouvais pas ilikuwa croire ilikuwa ni neno c'est une parole uko naisikia quand na mafuta yote avec l'onction mimi niko nafuata je suivais kulikuwa mtumishi mmoja alikuwa anatumika na pastor il y avait un serviteur de Dieu qui travaillait avec le pasteur de Kolwezi, le pasteur Mwamba. C'est lui qui travaille avec lui, ce serviteur-là. S'il prêche, et on suivait ses prédications à la radio, sur ma bande cassette qu'on avait à l'époque. Amen. Amen. On suivait la prédication. C'est vrai, le serviteur de Dieu prêchait. Et il prêchait. Et je passais sur la... Les frères suivaient là-bas. Ils ne faisaient que ponctuer. Amen. Ils avaient la force, ils avaient la peur de la parole de Dieu. Et celui qui passait, j'ai passé là, je me suis dit, est-ce le fou qu'ils sont en train de suivre à la radio? Et quand je suis arrivé là-bas, c'est la parole de Dieu. Et vous sentez même que c'était bon, quelqu'un qui est très loin, en train de prêcher, il parle de la parole. Il dit que ma vie, moi j'ai passé cette marche-là. Et moi qui m'a connu, mais pensez que vous avez aujourd'hui pour dire que non, c'est comme si on lui a parlé de ma vie. C'est comme s'il m'a vu. C'est comme s'il a entendu parler de moi. Alors je monte avec ça la chair, il commence à en parler. Les prédicateurs, les anciens en ont parlé. Toi tu es quel type de croyant? On prêche contre ta vie, elle commence à te lamenter. Quel croyant? Tu n'iras pas au ciel. Amen. Mais le diable, il sera condamné. Prendre un instrument comme celui-là, un instrument de Dieu, il a trompé, il a sorti de la vérité. Comme il se repose, nous avons le soir que Dieu a le de le retourner encore comme il respire. Nous devons quitter Mouchanga Mbeko, mélanger les histoires hybridées, les pensées humaines. Nous sommes déjà au ciel. Non, c'est faux. Examinez-vous vous-même. Vous dites, vous êtes quoi dans votre vie? Pour savoir si vous êtes dans la vérité. Si vous êtes à la vérité. Et l'heure est vient et l'heure est venue. Quand vous verrez les véritables adorateurs, c'est une promesse. Attendons seulement que les véritables adorateurs viennent. Le temps vient et il est déjà là. Mutaona, vous verrez babudu babia kwe. Le vrai adorateur. Faites très attention. Quand Jésus était venu, il a trouvé les gens en train d'adorer. Ils adoraient. Ils adoraient. Ils avaient déjà construit de belles églises. Et ils entraient là-dedans. Quand ils s'habillent, vous ne poserez pas la question. Vous remarquerez que seulement que ces gens, ce sont les concernés qui marchent avec sainteté. Jésus, quand il est venu, il les a trouvés des pareils. Ne soyons pas des adorateurs d'apparence. Soyons des adorateurs dans nos cœurs. Mettons notre Dieu dans nos cœurs, c'est alors qu'il va s'exprimer dans nos vies. Il a trouvé des croyants pareils. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Votre adoration, vous adorez Dieu, votre adoration est vaine. Vous l'adorez des lèvres, dans vos cœurs, Dieu n'y est pas. C'est là où ils adoraient. Ils adoraient Jéhovah et il est venu. Et quand lui est venu sur la terre, il leur a dit que votre adoration est vaine et fausse. Maintenant attendez, les vrais adorateurs vont se manifester. Ce sont ceux-là qui vont adorer le Père. Ils n'iront pas dans les montagnes. Ils n'iront pas sur les montagnes. Ils n'iront pas au désert. Eux vont adorer le Père en vérité et en esprit. Où sont-ils aujourd'hui, ces vrais adorateurs? Les vrais adorateurs, le vrai adorateur. Est-ce que Dieu agrée ton adoration? Ou sois-tu un adorateur d'apparence? Je te l'ai dit. Tu n'es pas encore à l'état. Étant donné que tu respires encore, ce matin, dis à Dieu, j'aimerais t'adorer en esprit et en vérité. Je suis disposé. Mais aujourd'hui, Dieu répond. Nous n'adorons pas un Dieu qui ne répond pas. Nous adorons un Dieu véritable. Le Dieu qui entend les prières de ses enfants. Le Dieu qui voit les souffrances de ses enfants. Le Dieu qui a la bouche et qui nous répond. Amen. Amen. Lisons un peu. Au commencement, il n'était pas ici. Maubiri, kule kumwanjo aikukua kaivi. Page 6. Kartasi ya kiasita. 15. Nukta kuminatangu. Et Jésus a dit à ses adorateurs. Na Yesu alisema na ababudu. De l'époque. Ba ile wakati. Que c'était en vain qu'il l'adorait. Ya kwamba ilikuwa mabure walianza kumwabudu. Enseigna des préceptes. Kufundisha maagizo. Qui sont des commandements d'homme. Yenye kama amri ya watu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Nini napenda kusema? Il vous faut retourner à la parole de Dieu pour revenir. Inatupasha kurudia kuneno la Mungu juu sie tupate tena kurudia. Il vous faut retourner à la parole de Dieu. Inatupasha kurudia kuneno la Mungu pour revenir. Juu mpate kurudishwa. Il vous faut retourner. L'église ne pourra jamais progresser plus loin tant qu'elle n'aura pas rejoint la parole et qu'elle n'avancera pas. Wakati yote kanisa haijakuwa bado haijarudia kuneno haitawezi kuendelea. Il nous faut venir à la parole. Peu importe la sensation. Amen. Tunaimba, tunafurahiwa, tunaruka, tunahubiri, tunapakaliwa, tunatosha jasho. Au yarudia kuneno. Kule kurukaruka, ina njoo kurudia kuneno. Kule kurukaruka, ina njoo kuishi maisha ya neno ya Mungu. Bila ni vitu vingine. Il nous faut revenir à la parole. Peu importe la sensation, c'est à quoi elle ressemble. Combien l'église est grande. Combien les gens sont puissants. Il nous faut revenir à la parole de Dieu. C'est la parole éternelle de Dieu. Et il nous faut en revenir à elle. Eh bien, je pense que pour moi, j'aimerais adorer et adorer avec une église qui croit les pleins évangiles, qui empêche chaque parole. Mule banahubiri kila siku kila neno. Qui empêche chaque parole. Yenye kanisa nahubiri kila neno. Et qui en pratique. Na inaitumikia. Chaque parole. Kila neno. Retourner au plein évangile. Mudie kwenye tele ya injili. Injili ile ya kumwanzo. L'évangile qui était au commencement. Muombe Mungu. Atupatie ile roho ya kunipatia injili paka ile ya kumwanzo. Hapana hii ya vya leo ya kuchanganya na akili ya bantu. Ya kuchanganya na kikabila hapana. Retournez à la puissance de Dieu. Retournez au Saint-Esprit. Retournez au commencement. Et recevez cela comme eux. Au commencement. Et cela produira le même résultat qu'au commencement. Si seulement vous retournez prendre cela au commencement. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Nasimamia. Je m'arrête ici.